50 languages. 91. 91. 91. الجمل الثانوية مع أن رقم واحد. Subordonné avec que un. Subordonné avec que un. قد يتحسن الطقس غدا. Le temps sera probablement meilleur demain. Le temps sera probablement meilleur demain. كيف علمت ذلك؟ D'où le savez-vous? D'où le savez-vous? آمل أن يتحسن. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère qu'il sera meilleur. سيأتي بالتأكيد. Il viendra certainement. Il viendra certainement. هل هذا مؤكد؟ Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? أعلم أنه سيأتي. Je sais qu'il viendra. Je sais qu'il viendra. سيتصل بنا بالتأكيد. Il appellera certainement. Il appellera certainement. حقاً. Vraiment? Vraiment? أظن أنه سيتصل. Je crois qu'il appellera. Je crois qu'il appellera. النبيذ بالتأكيد معتق. Le vin est probablement vieux. Le vin est probablement vieux. هل تعلم ذلك حقا؟ Êtes-vous certain? En êtes-vous certain? أظن أنه معتق. Je suppose qu'il est vieux. Je suppose qu'il est vieux. مديرنا جذاب. Notre chef est beau. Notre chef est beau. أترى ذلك؟ Vous trouvez? Vous trouvez? إني أرى أنه جذاب. Je trouve même qu'il est très beau. Je trouve même qu'il est très beau. لمديرنا بالتأكيد صديقة. Le chef a certainement une amie. Le chef a certainement une amie. أتعتقد ذلك حقا؟ Le croyez-vous vraiment? Le croyez-vous vraiment? من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. C'est bien possible qu'il ait une amie. C'est bien possible qu'il ait une amie. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.